regard fuyant sont des miroirs, reflets jaloux des yeux à l'encre noire. Aucun effort pour savoir qui nous sommes, on plaît ou on ne plaît jamais aux hommes. Tous ces passants ont aussi mal que toi, la peur de vivre et de ne vivre qu'une seule fois. Avoir été ne leur suffit jamais, leurs yeux ne voient que ce qui disparaît. C'est le chant des hommes, le chagrin des hommes, le destin qui sonne de leur naissance jusqu'à la fin. Des histoires, des chemins, on ne sait jamais rien. On recherche chant des hommes, le chagrin.